Hello. Yeah. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras. J'en ai le lieu de moi. Comment t'aimer si tu t'en vas? Ton pays loin là-bas. Everything you do make me crazy about I'm sorry, pals. I'm sorry. Yeah. I am so sorry. Voice is not louder for the voice. That's what you are saying, Puff. Oui, ton voix plus. Mon voix plus. Mon voix plus like this. Yes. Plus the volume on the voice, please. That's what you are saying. Yeah, that's good like this. You want me to put some reverb on it or something, whatever.